t'as dit que je m'y donne, je l'ai fait, c'est pas tort. Crois pas que tu m'étonnes, je sais que les jaloux s'entendent. Poursuite qui donne quand je vois les gyrophores. Qu'est-ce que tu fais, petit con, ton pote pleure au placard. J'essaie de m'y faire, qui m'a dégoûté, c'était comme mon petit frère. Les gars, j'avertis, m'en voulais pas si cher. Si je rentre, parce que j'insulte le commissaire. Je fume des barres, je vois des gros nuages. Les yeux qui piquent à fond dans le virage. Quand tu mets le masque, je vois pas tes défauts. Mais t'inquiète, tu reconnais les vrais défauts. J'ai grillé, je ne m'arrime pour les pires, oh. Pour les pires, oh. J'ai grillé, oh, j'ai pas oublié. Oh non, j'ai pas oublié. Ceux qui me connaissent pas croient que je me la pète. Je dors à côté des plaquettes. Tu prends tes mains, tu le lèves, même en claquette. J'attends que ça pète. Ceux qui me connaissent pas croient que je me la pète. Je dors à côté des plaquettes. Tu prends tes mains, tu le lèves, même en claquette. Y'a les petits qui rêvent de reprendre la zone. Et d'autres en cellule qui veulent se faire la matonne. Y'a les petits qui rêvent de reprendre la zone. Et d'autres en cellule qui veulent se faire la matonne. Ça viendra si t'as pas encore trouvé la bonne. Pour l'instant vis ta vie avec ta folle gératone. Et on s'en fout que t'as passé des tonnes. T'as plus un t'as tout claqué mon pote tu déconnes. Tellement qu'elle était bonne, tu voulais plus la lâcher. Y'a des potes, les voyais du riz, ils ont fini par se lâcher. C'est souvent lui qui te trahit, à qui tu vas t'attacher. J'ai glissé.